Salut tout le monde et bienvenue sur la POC, première édition de 2017. Je vais gagner votre animateur et avec moi, Jerry Galbu. Hey, salut, salut. Comment est-ce qu'ils vont, Jerry, après ce succulent temps des fêtes? Pas très bien. J'ai pas pris trop de poids, pas trop bu d'alcool. Nice. Mais ça s'est bien passé. Ben, le meilleur des deux mondes. Ouais. Tout est ton temps des fêtes. J'ai fait de la route, pas à peu près. On dirait que j'étais sur le voyage dans le sud comme les Canadiens, mais moi, c'était direction le nord, dans le fin fond des contrées enneigées du nord de l'Ontario, avec la belle famille. Ça a été super cool, encore une fois, cette année. Beaucoup de... au camp. C'était bien le fun. Ah, je connais pas. Ben, le camp étant leur chalet, puis eux, c'était la place où ils habitent. Effectivement, c'est beau. Ouais. Je voyais que tu avais besoin de sous-titres dans ma dernière phrase. Je voudrais en mettre pour le show aussi. Ouais, tradition oblige. Je m'ouvre une petite brou, une Sleeman Original Draft. Moi, je vais avec un whisky. Ah oui, pour vrai? Je vais un sortilège. Oh, Je me lâche. Ça, c'est tellement bon, là. Je suis envieux. Quoique ma bière est bonne, là, mais je suis envieux. Je tiens à saluer d'entrée de jeu les gens qui nous écoutent via le sportradio.ca et qui dînent avec nous. Aussi les gens qui nous ont téléchargés via leur podcatcher préféré. Bonjour, nous sommes au moment de l'enregistrement le 9 janvier 2017. Et j'ai dit lors du dernier show que j'allais prendre l'habitude de mentionner l'affiche du Canadien de Montréal au moment de l'enregistrement. Tu sais, question de placer un peu plus où est-ce que le Canadien se retrouve puis dans quel contexte qu'on fait notre discussion. On fera pas le recap de tous les matchs qu'on a manqués dans le temps des fêtes parce qu'il y en a eu une solide batch. Une chose qu'on peut dire, c'est que le Canadien de Montréal s'est maintenu à flot avec une quatrième position dans l'Est, devancé seulement par les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Qui ont passé proche de battre un record en termes de série de victoires consécutives. Les Penguins de Pittsburgh avec 57 points. Les Columbus, ils en ont 60. Les Rangers en ont 57 aussi. Et le Canadien est à 56. Avec une fiche après 40 matchs de jouer de 25 victoires. 9 défaites et 6 défaites en prolongation. Et dans toutes ces défaites-là, je pense que plus du 3 quarts sont attribuables à Al Montoya. Ouais. Ben, il a pris du poil de la vague. Dernièrement, là, les deux dernières sorties qu'il a eues, il a gagné. Fait que c'est pour ça qu'il a eu un nouveau contrat de 2 ans. Oui, c'est juste pour ça. OK, tu vas embarquer là-dessus direct. Là. Go. Place-nous un petit peu la situation. Ben... Al Montoya s'est mérité un contrat de 2 ans supplémentaire qui commence à la fin de l'année pour environ 2 130 000 ou de quoi dans le genre, bref, environ 2 millions. Honnêtement, là, j'en ai qu'une chose à dire là-dessus. Draft d'expansion. C'est la seule raison logique qui a été re-signée. Mais moi, j'aime ça que Marc Bergevin lui dise « Ben voyons donc, ça avait été juste pour ça, j'aurais signé un gardien de but moins cher l'été. » Mais c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres des gardiens de but. Si, non, c'est si mettons, là, t'es pogné, là, puis que le gardien de but que tu signes n'est pas sélectionné par l'équipe de Las Vegas, c'est parce qu'il va rester avec toi. Il y en a-tu, là, en ce moment, là, des gardiens de but meilleur que Al Montoya, disponible sur le marché, à signer là. Bah, t'en avais un dans ta couve, là, une couple d'années, genre Peter Boudère. Regarde ce qu'il fait avec les Kings, là. Ouais, mais là, il est pas disponible. Non, il est pas disponible. Mais si tu l'avais gardé à la base, tout ça, finalement, on en parlerait même pas. Ouais, mais pas, là, pas. Mais bon. Mais en fait, la seule raison logique de ce contrat-là, comme je te dis, oui, il y a le draft d'expansion, mais justement, comme t'expliques, s'il se fait pas repêcher, il reste avec toi. Fait que c'est pour ça que le 2 ans est très valable. C'est pas trop long, c'est pas trop court. Il est disponible pour le repêchage. Mais en même temps, le gars est déjà dans ta formation. Fait que tu sais, il connaît les rouages de l'équipe. Écoute, c'est un vieux routier, là. On s'entend-tu qu'il est allé voir Marc Bergevin? Il a dit, gars, c'est soit tu me signes, ça va être à mes conditions, ou tu perds ton premier choix. C'est l'un ou l'autre où tu te ramasses avec un gardien de but substitut moins bon que moi, puis qu'on donne dans les deux dernières saisons. Puis si Price se blesse, t'es un peu dans le pétrin. Fait que tu me signes-tu? Oui, ça va être 2 ans. bye. C'est à peu près ça la discussion, là. Puis c'est probablement qu'ils ont fait ça sur Facebook, puis ils ont fait comme OK, puis là, il a mis un petit like. Ouais, c'est ça. Dans un petit groupe secret, genre. Ouais, le groupe secret du CH, ouais, avec tous les joueurs, puis les femmes des joueurs, puis c'est probablement les femmes des joueurs qui négocient la moitié des contrats. Ah, ça, c'est drôle. J'imagine vraiment un groupe Facebook du CH. Te rappelles-tu, il y a une couple d'années, je me rappelle, je pense que c'est Mauvais Oeil, le site Internet, où est-ce qu'il avait fait la date limite des transactions de Pierre Gauthier avec Bob Gainé, puis tout ça. Ah, oh, ouais! Puis là, c'était comme, hey, ouais, finalement, mon téléphone n'a pas sonné beaucoup, là. Je pense que j'étais sur le hold de tout le long, là. Qu'il n'y avait rien fait, puis. Non. Pas le genre de conversation Messenger ou des. Ouais. Ah, ouais, non, ça, c'était drôle. Très drôle, mais, gars, c'était la belle époque. Je pense que Mauvais Oeil, ça n'existe même plus comme site Internet. Ça se peut. Faudrait faire la recherche après. Mais non, je suis en train de le faire là, là. Ben, fais-le là, d'abord. Mauvaisoeil.com, ça existe encore. Mais y a-tu de l'activité? Ça, c'est l'autre question. 26 mars 2015, le dernier faux article qu'il y a là-dessus. Parce que ça a été remplacé. Ce qui arrive, c'est que ça a été remplacé par les journaux de Montréal puis des sites comme ça. Ouais, La Presse Plus. Où est-ce que, ben là, c'était plus subtil le fait que c'était des fausses nouvelles. Tandis que Mauvais Oeil, tu le voyais que c'était un faux, tu sais. Donc, ça s'est fait supplanter, mais c'est clairement un ancêtre du journal de Montréal. Je suis pas mal convaincu, mais c'était super drôle. Il y avait des affaires vraiment cool là-dessus. Fait que, c'est ça. Al Montoya qui a tordu le bras à Marc Bergevin puis que, moi, ça me dérange pas qu'on signe Montoya pour 2 ans. Là. C'est pas un gros contrat. Puis, gars, il fait relativement bien la job. J'aurais préféré Condon, tant qu'à signer un gars à plus cher, plus longtemps. Mais bon. Moi, ce qui me fait un petit peu suer là-dedans, c'est que Marc Bergevin essaye encore de nous passer un sapin comme si on était des épais. À dire que non, il l'a pas signé juste pour protéger son premier choix au repêchage. Voyons donc, tu sais. À un moment donné, là, prends-nous pas pour des valises, là. Ouais, mais ça, c'est. C'est qui que t'essaies de convaincre? Publiques. Les relations publiques du Canadien qui sont toujours comme ça. C'est un peu agaçant. Un peu? Ouais, beaucoup, en fait. Moi, je suis plus capable. Pour vrai, là, à toi. C'est parce que si tu le fais une fois ou deux par saison, ça passe inaperçu. Là, tu le fais 2 à 3 fois par conférence de presse. Je vois plus rien que ça. Puis j'étais en train de me demander si ben ça vaut la peine de mettre mon argent dans cette équipe-là parce que on nous prend pour des épais, puis moi, ben j'aime pas ça me faire prendre pour un épais. Qui aime vraiment ça? Ben ceux qui se rendent pas compte que t'es prêt pour des épais. Eux autres, ça les dérange pas. Ceux qui, ouais, mais... qui prennent les nouvelles du Canadien sur le site du Canadien de Montréal, eux autres, ça les dérange pas. Pour les autres, là... La pilule commence à être dure à passer. Là. Marc Bergevin, le sympathique garnement qui revenait à Montréal, qui était donc content de revenir ici après avoir été exilé des années aux États-Unis, qu'on trouvait donc charmant. Je sais pas. Plus sûr que j'aime ça me faire mentir de même. Là, puis je le trouve aussi charmant. Mais on va le dire qu'il est quand même... On peut quand même dire qu'il fait une bonne job considérant que le Canadien... est en maudite bonne position. Ben, avec ça dépend tous sur les quoi. Blessés. Ça dépend sur quoi. Ouais, non, ça c'est sûr, mais je veux dire, quand même, au classement, on est quand même bien placé. L'équipe va bien. Les jeunes vont bien. On s'entend qu'on a une couple de blessés. Puis on continue quand même de gagner. Mais là, c'est-tu grâce à Bergevin ou c'est grâce à Monsieur Jack Adam en personne, Michel Therrien? Je ne dirais pas Michel Therrien, mais dernièrement, il faut l'avouer qu'il a quand même été capable de bien gérer ses affaires. Puis, surprenamment, la dernière game qui était contre Toronto, on a quand même. Moi, j'ai vu des moves qu'on ne voyait pas régulièrement. Mettre un mec Caron sur l'avantage numérique. Il a donné du temps de glace à Sherbach sur l'avantage numérique. Je sais pas, on dirait qu'il. Dernièrement, il est comme moyen. Je l'ai comme pas trop reconnu. Il y a des moves que je comprenais pas, genre Mitchell n'a pas trop joué, Plekanec en bas de 20 minutes. Hein? Quoi? Je l'ai trouvé louche. Wow! Attends un peu. Wow, là, t'es en train de me dire ça subtilement, là. Quoi? Non, mais pour vrai. Mon petit Plekinou. Mais tu sais, je peux pas croire qu'un coach se permet de faire bencher un gars de même une fois de temps en temps. Non, c'est des choses qui se font pas. un bon vétéran comme ça, tu fais jouer ça, puis tu lui donnes du temps, même s'il fait plus rien de bon, OK? Un bon vétéran. C'est ça que ça nous prend. Gaston Therrien doit tellement être content d'entendre ça. En tout cas, moi, même s'il vaut 5 millions, je le mettrais sur le banc, comme un certain Guy Boucher fait à Ottawa avec un Bobby Ryan. Ah, quel beau move! Puis, t'as-tu vu la réponse de son club aussi? La misère a marqué des buts, cette équipe-là, puis là, ils en ont marqué combien lors du dernier match? Je pense que c'est comme 4 buts, là. Ouais. Fait que, non. La réponse est venue boucher haut la main là-bas. Fait une très belle job à Ottawa. 5-3 victoire contre les Oilers d'Edmonton hier. Au moment pas 5-4 en prolongation? 5-3. Ça se peut. Mais c'était pas en prolongation, là. Je m'ostine pas avec toi. OK. Parce que j'affiche de la game en avant de moi, là. C'est pour ça que je m'ostine pas. C'est bon. Tu peux t'ostiner, mais ça passe mal. Tu vas gagner. T'sais. C'est bon. Non, mais. T'avais-tu quelque chose à embarquer? Ben, moi, écoute, tu m'as parlé de Plekanec, je me frappe. Ben, écoute, je me flappais les mamelons un petit peu, là, puis j'avais du bonheur, là. J'avais un peu de plaisir. T'adores ça? Non, mais. On peut continuer à parler de Plekanec, si tu veux. Go! Moi, j'ai toujours plus de Plekanec. Dernièrement, il y a une moyenne de 17 minutes par match, ce qui n'est pas très habituel dans son cas, ce qui est tout le temps les 20 minutes. Dernier match aussi, il n'a pas joué beaucoup. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sur la glace très souvent, parce que je regardais la game, puis on dirait que j'ai remarqué plus les jeunes que les vieux routiers. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que là, justement, son temps de glace diminue. Sa production est assez moyenne. Il a 17 points en 40 matchs. Tu sais, Plekanec, j'ai jamais trippé, mais... Hey, lors du dernier match, Plekanec, 14-34 de temps de jeu. J'aime ça. C'est la chaise qu'il a juste le temps de glace-là. Je veux dire, il peut pas avoir plus. Fait que ça, c'est intéressant, mais en même temps, ça nous montre que peut-être Michel Therrien a démissionné ou démissionne tranquillement, pas vite. Est-ce qu'il va être échangé à la date limite? Moi... J'en parle depuis l'année passée, mais si c'est un nouveau contrat, je crois que Plekanec va trouver preneur. Bon, bien évidemment, avec 17 points en 40 matchs, sa valeur est peut-être un peu moins haute que l'année passée. Ah non, puis là, il reste une année de contrat. Là. Si, mettons, c'était sa dernière année, tu dis, ben écoute, on paye le restant du contrat, puis après ça, on est débarrassé s'il fait pas l'affaire. T'sais. Mais là, faut que tu prennes le gamble d'une autre année. Et ben, c'est un mec. Pas sûr. Un vétéran avec une bonne éthique de travail, tu sais, je sais pas si peu que ça, honnêtement. C'est Plekanec, il a quand même une très bonne réputation dans la Ligue nationale, là. Ouais, il a une bonne réputation de joueur défensif. Ben, c'est il sûr. Il est payé comme un joueur offensif, puis même défensivement, il tire même pas son épingle du jeu cette année. Non, cette année, il est assez moyen partout, en fait. Dans toutes les facettes du jeu, je le trouve très, très moyen. J'ai-tu déjà parlé de neutralité journalistique? Probablement, parce que je m'en souviens, non. On va être honnête. Ben c'est bon d'être honnête. Ben en fait, c'est parce que je lisais l'autre jour François Gagnon sur Twitter qui disait « Ouais, mais là, Plekanec, oui, OK, il y a des moins bonnes performances, mais c'est parce que je suis convaincu qu'il est blessé, mais il veut pas l'admettre. » Là, à un moment donné, là, François, je comprends que tu l'aimes Plek, là, mais... Plekinou. Mais là, à un moment donné, réveille. Là. Les blessures, ça peut pas tout expliquer. Là. Le manque d'implication, les blessures ne l'expliquent pas. Parce que Brendan Gallagher serait jamais impliqué. Là. À shape qu'il y a pour blessures qu'il a vécu, Gallagher serait jamais impliqué d'un match. C'est ça le problème. Ça. Avec juste une main droite. Maintenant, là, réveille. Là, t'sais. Un peu de neutralité. Enlève ton jupon, arrête de, avec ton bobelette de Plekanec, ça a passé à la galerie de presse, puis regarde là, regarde comme du monde là. On le voit tout là. Il joue mal. On va te le dire, il joue pas bien. Fait que wake up. Ben, il y a peut-être 3 games de bonne sur 40 là, cette année. Ben oui, mais là, tu sais. C'est au moins 3 games de bonne. Je chiale donc bien pour rien tout d'un coup. Ben non, on va arrêter là, de frapper sur Plekanec. Un bon joueur, OK? Hey, Ouais, vas-y. Je me crois même pas. Je me crois même pas comme ça. Arrête de te mentir, c'est pas beau. Là, ça a l'air que tous les médias disent que Michel Therrien, c'est le candidat pour le Jack Adams. En fait, moi, je dirais une chose. Carey Price pourrait être un candidat pour le Jack Adams cette année. J'aime ça, j'aime ça. Joueur entraîneur comme Reggie Dunlop. Ben oui, non, mais pour vrai, Jack Adams, là, à date, là, moi, je le... En tout cas, Therrien peut peut-être être mentionné, là, parce que l'équipe est quand même forte, puis il revient de loin pour l'année passée, puis blablabla, là. Mais... on va être honnête, Tortorella le mérite amplement à date. Ben oui, pis c'est pas comme si son club était rempli d'étoiles, là. Non, pis même Guy Boucher pourrait être mentionné parce qu'il fait une très bonne job avec Ottawa. Oh, oui, vraiment. Ben, tu sais, moi, j'ai été voir les sénateurs, pis je trouve que, tu sais, il y a une franche différence là, par rapport à l'an passé. Là, tu sais, le style de jeu du Canadien de Montréal, est-ce que c'est différent de l'an passé? Est-ce qu'on voit Therrien s'adapter à certaines situations, adapter son style de jeu de son équipe selon les adversaires pour pouvoir mieux les contrer? Pas en tout. Pas en tout, là. C'est la même formule, le bon vieux dump and chase, puis du 1-3-1, puis la vie est belle, là. Sauf que là, cette année, ça marche. Fait que je sais pas jusqu'à quel point... Ah, mais c'est plus facile aussi son style de jeu avec un troisième défenseur sur le jeu, tu sais. Ben oui. Oui, ben exact. Le nombre de relances de rondelles que Carey Price peut effectuer en étant même un gardien de but, c'est assez impressionnant. Je regarde ma liste de sujets. Mais non, Michel Therrien, moi je trouve pas que c'est un Jack Adams là, cette année. Ouais. Mais en même temps, tout est possible dans cette ligue de dinosaures. Oui, hey, mais en même temps, je veux juste faire un meilleur coup de pas. On a bâché sur Max Pacioretty et je dois avouer que je joue bien le sacripant. Oui, ben c'est j'avais un de mes sujets qui était le réveil de Pacioretty. Et on va se dire que ce réveil-là a été... mettons que son cadran était bien seté. Oui, il est arrivé au bon moment. Ça fit avec la blessure de Galchenyuk, Byron, Markov, tous les joueurs qui sont blessés en ce moment. Pacioretty agit en leader, puis il a pris le dessus. Bon, il joue avec Radulov, puis ça doit aider, mais pas pire, là, parce que Radulov, on va se le dire, moi, personnellement, c'est un rouage très important. Il permet d'alimenter Pacioretty. C'est un peu ça que Pacioretty a besoin aussi, là. Quelqu'un qui l'alimente. Mais oui, je suis d'accord avec toi que je retire quelques paroles. Mais non, mais au moment où est-ce qu'on a critiqué Pacioretty, c'est vrai que il donnait pas l'effort, il était pas impliqué dans le jeu et dernièrement, là, il l'est, tu sais. Moi, j'ai pas de problème. Je dis mon mea culpa, mais je retire pas ce que j'ai dit, puis je considère que dans cette situation-là, c'était les propos à tenir envers Max Pacioretty. Sauf que là, aujourd'hui, à l'inverse, faut reconnaître que le gars... Écoute, les babines suivent suivent les patins, puis les mains, puis les actions, là. Puis ça, ben, c'est... Faut le reconnaître, là. Mais t'as-tu remarqué quelque chose de différent aussi dans le jeu de Pacioretty? C'est l'enthousiasme. Ouais, il a de l'air bonne humeur. Il est content quand il score. Il a beaucoup plus de... Il démontre beaucoup plus. Je pense que c'est contagieux, justement. L'effet Radulov devient contagieux. Fait que... Il y a juste l'impression... J'ai l'impression qu'il fait juste jouer au hockey et qu'il y a du fun, tu sais. Fait que... C'est intéressant, je trouve. Ouais. Ben, tu sais, on a parlé de blessure dans son cas, qu'il y avait une micro-fracture à un pied. Peut-être que c'était ça, tu sais. Puis, je peux comprendre qu'avec la douleur, ça te donne moins le goût de venir patiner, tu sais. Sauf que, tu sais, que les bottines suivent les babines, c'est le fun en tabarouette. Puis, faut que ce gars-là apprenne que, même si lui, il est dans un creux de vague, il demeure un rouage important pour cette formation-là, même s'il n'y en met pas dedans. Et ouais. Être un rouage important, ça passe aussi par faire en sorte que tes coéquipiers, eux, vont continuer à performer. De ne pas les traîner vers le fond. Et Max Pacioretty a tendance, quand ça va pas bien lui personnellement, ben, d'être négatif puis de pas aider son club à s'en sortir. Ouais. Être un bon capitaine, ça passe par là aussi, là. Ben ça, je fais pas vraiment de comparaison, même si j'en fais une. Mais tu te souviens-tu de Carey Price dans sa jeune carrière, quand il était un très bon gardien de but, mais quand ça marchait moins bien, il faisait paraître, puis tu sais, les petits regards qu'il lançait à ses défenseurs, ouais. Les petits mouvements de découragement après un but, ça a changé de bout pour bout son attitude, puis regarde aujourd'hui, c'est le meilleur gardien au monde. Je dis pas que Patchery va devenir le meilleur allié gauche au monde, mais tu sais, des fois, l'attitude fait toute la job, puis en ce moment, c'est ce qui se passe. Son attitude a changé, puis en met dedans à tout bout de champ. Il y a une belle cohésion avec Radulov. Puis même Dano, il fit parfaitement sur ce trio-là. J'ai juste hâte de voir Galchenyuk puis voir la première ligne. Elle va juste être magique. Là. Ça, les trois peuvent scorer, les trois peuvent passer. Ben, probablement que Terrier va vouloir équilibrer les lignes. Ouais, à ce moment-là, c'est pas une bonne idée parce que sur la 2, il reste plus grand-chose. Le chat n'est pas là, Gallagher n'est pas là de disponible. Au centre, je l'aime bien, là, Dano, mais il en donne. C'est un 2, trop. Ben, il en donne plus que se poser. Puis c'est correct, là. Profitons-en pendant que c'est le cas là. Mais il peut pas maintenir ça toute la saison. En tout cas, je pense pas. Même chose de, tu sais, Byron va revenir prochainement. C'est pas le cas, même ben ce Byron, soir. Ben, Byron, ouais, il revient ce soir, c'est confirmé. Ouais, il joue contre les Washington. Il joue contre Washington, ouais. Ouais. Ben, tu sais, à un moment donné, ce gars-là en donne bien plus que ce qu'il est censé en donner pour l'équipe. Tu le prends, là. T'es content, ouais. Mais tu peux pas baser tes effectifs pis ta stratégie à long terme par rapport à un gars comme ça, tu sais. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, ça marche pour le moment, fait que profite-en, ouais. Et tire-les plus que tu peux, mais c'est sûr que... Ben tu sais, comme, je viens d'avoir une question qui me pose comme ça, tu sais, présentement, Radulov fit bien avec Patchery, ça marche super, tu sais. Ouais. T'as Dano qui complète le duo. Avant que Galchenyuk se blesse, Radulov marchait à tout rompre avec Galchenyuk. Si tu veux équilibrer tes trios, ouais, faut que tu changes tes duos. Est-ce que t'aimes mieux un duo Galchenyuk-Radulov ou Pacioretty-Radulov? C'est une très très bonne question. J'aurais tendance à dire Galchenyuk-Radulov pour la simple et bonne raison que ce duo-là permettait à un des deux éléments au moins d'être capable de maintenir une production de plus d'un point par match ou égal un point par match. Là. Tandis que là, en ce moment, oui, Pacioretty joue bien, mais il n'est pas sur une cadence d'un point par match quand même, là. Radulov, il l'est, par exemple. Oui, Radulov, oui, mais j'ai plus confiance que Radulov et Galchenyuk sont capables, les deux, d'être un point par match que l'autre duo de Pacioretty et Radulov. Mais, tu sais, peut-être que je me trompe, là, puis... Regarde, mettons les trois ensemble, là, quand ils vont être capables, de les trois, d'être sur la glace, parce qu'il n'y aura plus de blessures, tu sais, profitons-en, puis essayons-là, essayons ce trio-là ensemble. Mais j'aurais plus tendance à vouloir ramener celui qui marchait en début de saison puis qui a permis à Galchenyuk d'éclore complètement. Puis, il y a une question d'outils aussi. Tu sais, Pacioretty, avec des tu sais, avec son expérience, est peut-être plus en mesure de maintenir sa production offensive avec des éléments moins bons de par son vécu, son positionnement, des choses comme ça, tandis que Galchenyuk, moins de vécu, assumerait peut-être moins bien ce genre de situation-là. Mais encore là, tu sais, j'ai pas la science infuse. Ben moi, en fond, je suis d'accord avec toi pour le Galchenyuk Radulov. Mon deuxième trio, je ferais le duo, dans le fond, Dano puis Pacioretty. Vu qu'il y a quand même une petite cohésion. Moi, je trouve que Dano travaille. Ouais. Il cherche souvent Pacioretty, puis ça apparaît dans son jeu. Il me fait penser un peu à un dernier plus jeune, mettons. Hein. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Je vois. Puis dans le fond, moi, je ramènerais Tipoil. Tipoil. Galchenyuk puis Radulov, parce que je trouvais qu'avant que Galchenyuk se blesse, c'était un très bon trio. Pour ce qui est, dans le fond, de Dano. Chat devrait revenir bientôt, j'imagine, parce qu'il commence à s'entraîner. Fait que, on va voir, mais moi, je chasserais mon deuxième trio, moi, Dan Osha avec Pacheco. T'as parlé tantôt de, t'sais, de Carey Price, troisième défenseur, t'sais, que c'est le meilleur au monde. Puis, t'sais, je veux pas partir en peur, là, mais moi, dernièrement, je trouve que Carey Price est peut-être moins dans sa bulle. Les performances, c'est plus difficile. Dans les cinq derniers matchs, à part celui du 3 janvier contre Nashville, où est-ce qu'il a accordé seulement un but, il a accordé trois buts au moins par match. 2 fois 3 buts, 2 fois 4 buts pour des pourcentages d'arrêt là, dans cette séquence-là de 885, 867, 902, 917. C'est pas le même Carey Price qu'on voit habituellement. Est-ce que il y a raison de s'inquiéter? Est-ce qu'on pourrait penser qu'il y a de la fatigue? Est-ce que t'as vu des indices là, qui pourraient expliquer ça, ou de la frustration, ou tu sais, ça coïncide un peu aussi lors du dernier show quand il avait été retiré, puis que tu sais, le gros regard vers le banc, tu sais, ça coïncide un peu là, les performances plus tu sais, en montagne russe. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais que toi t'as peut-être observé. Ben en fait, je suis d'accord que Carey Price n'est pas pareil, puis si tu regardes ses stats après le regard, sont pas mal moins bonnes qu'avant. Mais en même temps, là, c'est la suranalyse montréalaise. Ouais. Ça reste Carey Price. Oui, il y a peut-être de la fatigue. Il y a peut-être des éléments hors glace aussi qui rentrent en ligne de compte. Faut pas oublier que Carey Price et papa, c'est assez récent. Fait que tu sais, un bébé, des fois, quand ça dort pas, ça fait pas dormir les parents, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il y a tellement d'affaires qui peuvent venir en ligne de compte. Je pense pas qu'il y ait mésentente avec Michel Therrien. Carey Price fait sa job. Il est hyper pro. Fait que ça m'étonnerait de ce côté-là. Mais on va le dire que Chantal Maccabée, elle, admettons qu'elle est pas mal plus proche que nous autres. Oui, elle est à l'entraînement, puis elle a tweeté là-dessus. Ouais, elle a justement parlé qu'elle, elle trouve que Carey Price a changé. Dans une pratique, il aurait brisé 2 bâtons. Moi, je sais même, si tu pètes 2 bâtons, c'est parce que t'es en calvaire. Fait qu'en partant. C'est pas en faute des bâtons, là. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a peut-être quelque chose qui le tracasse, mais ça peut tellement être n'importe quoi que. Sérieusement, je peux pas te le dire à 100%, je le sais pas, mais c'est sûr que Carey Price, c'est pas le Carey Price du top. Mais ça reste quand même Carey Price. Fait qu'en partant, c'est sûr. Ça, c'est Carey Price et Carey Price. Subban, c'était Subban, c'est Carey Price et Carey Price. Ça ouais, va être ça, mon argument numéro 1. Heureusement, là-dedans, dans cette séquence-là, il a quand même été capable d'aller chercher 2 victoires. Tu sais, c'est même Carey Price moins hot et capable d'engranger du positif, là. Mais il ouais, faut pas pousser à la loque trop non plus. Fait que, tu sais, je sais pas, là, moi non plus, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui se passe, mais c'est sûr que le Canadien de Montréal doit pas laisser ça aller parce que on a vu comment ce que ce gars-là est important pour cette formation. Ben, c'est sûr qu'ils laisseront pas aller. Je pense que la priorité numéro 1 à Montréal, ça va être Carey Price toujours. Fait que peu importe ce qui va se passer, ils vont être aux petits oignons avec lui. Fait que ça, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Il a de l'air moins perturbé, si on peut dire ça comme ça, mais tu le vois quand même dans son jeu que justement, on, il a encore 3 buts, c'est la fin du monde. Il a quand même gagné ses matchs. C'est pas si pire que ça. Puis des fois, c'est des erreurs tellement épaisses de la défensive. Fait que, il est pas tout seul dans l'équipe, on s'entend. Hein? Ouais. J'aimerais ça parler de blessures un petit peu, là. T'as effleuré tantôt le sujet que, ben, tu sais, il y en avait beaucoup avec le Canadien de Montréal. On a déjà parlé, plus tôt aussi, cette saison de Andrew Shaw, pis sa commotion cérébrale, pis comment je trouvais que, la gestion des blessures, c'était pas fameux. Excusez. Dernièrement, Andrew Shaw, semble-t-il, a été freiné un peu dans sa progression pour un retour au jeu, un genre de setback. Là, on a vu Desharnais aussi rentrer en collision avec le préparateur physique, retourner tu sais, en arrière dans sa préparation pour un retour au jeu. Qu'est-ce qui se passe chez le Canadien de Montréal et chez les blessés? Là? Ça peut pas juste être de la malchance. Il y a clairement quelque chose qui se passe plus que ça. Tu sais, des setbacks de même, là, quand t'es censé être une des meilleures organisations au monde. Là. C'est pas normal. Ben, c'est pas normal, mais en même temps, tu sais, chaque corps humain est différent. Pour une Jusha, une commotion cérébrale, c'est quand même dur à évaluer. Encore là, tu sais, y a-tu quelque chose qui est arrivé? Il réagit peut-être différemment. C'est clairement pas la première. C'est un gars qui se bat, fait que c'est clair que c'est ma première commotion qu'il y a. Pour ce qui est de Darnay, ça, on va se le dire tout de suite. Moi, j'opte pour la malchance parce que rentrer dans quelqu'un, c'est parce qu'il faut vraiment que tu sois pas chanceux. Là. Non, mais ça se peut-tu que ça soit un déguisement, là? Tu sais, comme dans l'époque où est-ce que Georges Larac s'est fait sortir du Canadien de Montréal parce que supposément, il était devenu une distraction pour l'équipe. Est-ce que ça se peut que le gars il est tellement pas si bon que ça, puis il y a pas d'équipe qui en veulent que bon, on préfère le garder sa liste des blessés à long terme, sauver son salaire que de lui donner une réelle chance de s'améliorer, tu sais. Peut-être. Tu sais, ça sonne théorie du complot là, mais chez le Canadien, au nombre de mensonges qu'on nous dit par jour, nous ne sommes jamais trop prudents. Ben pour vrai, ça se pourrait, mais en même temps. Ça devient intense, là. Pierre Allard qui a fait une jambette. Qu'est-ce? Ah, c'est ça. Ah ouais? Bergevin, je veux pas qu'il joue. Arrange-toi n'importe comment. Bergevin, il pitchait des bâtons. Hey! Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, je sais pas, là. Mais tu sais, c'est les deux seuls, là, qui a des setbacks, comme tu dis. Ben, tu sais, il y a Markov, c'est flou aussi, là, sa blessure. On n'a jamais vraiment dit qu'est-ce qu'il y avait. On n'a jamais eu d'échéancier. Là, on l'a amené à Toronto avec l'équipe lors du dernier voyage. Tu sais, on donne très, très peu d'informations, là. Il y avait eu une réouverture un peu de dire chez le Canadien c'était quoi les vraies blessures. Ouais, après. C'est revenu très vite, là, au naturel, là. Ben en fait, c'est qu'ils disent tout le temps, genre, mettons, même Brendan Gallagher, blessure au haut du corps. On a vu la rondelle frapper de la main. Ah oui, puis on l'a vu réagir au banc, puis se tenir la main à deux mains. Puis. Non, mais c'est ça. C'est son gant. C'est un peu épais, là. Mais quand ils dévoilent les blessures, par exemple, rends-toi compte, c'est tout le temps après. Carey Price a été à la fin de la saison. Ouais. Pour ce qui est de Gallagher, bon, là, c'est pas, je pense que c'est tellement évident qu'on va passer pour des épais si on continue à dire haut du corps. Ils ont confirmé que c'était une fracture de la main, mais en même temps, Gallagher a posté une photo de sa main sur Instagram. Je pense que rendu là, ils ont plus le même choix. Ouais, je pense que je suis blessé à la main. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais sinon, tu sais, Galchenyuk, même affaire, c'est bas du corps. On voit clairement que c'est clairement au niveau du genou, la jambe ou quelque chose dans ce genre-là. Ça a l'air que Gallagher, sur sa photo, c'est écrit hashtag upper body. Pour vrai? Ah, non. Ça, c'est non, non, mais. moi, j'imagine la situation hashtag haut du corps. Ah, ça serait épique. Mais non, mais tu sais, quand même, chat haut du corps. Et comment il s'est fait ramasser par Torrey Crew? Ben oui. On est au courant que c'est une commotion. Tu sais, je veux dire, on va dire comme toi, prenez une pas pour des caves. Mais c'est parce que c'est tout le temps. Tu sais, à un moment donné, là, quand t'es numère, chacun. Moi, je manque de doigts sur une main, là. Pour être capable de contenir les mensonges. Mais c'est pour ça qu'il y a d'un sens. C'est comme là, ça va bien, mais on dirait que j'ai. Pas que j'ai out, mais. Me semble que ça ferait du bien que la nouvelle. La prochaine direction du Canadien, autant coach, tout le monde, ait une nouvelle philosophie. Puis que ça soit vraiment, tu sais, comme. Canadien nouvelle génération, là, plus ouvert. Tu sais, oui, ça a changé avec Bergevin, dans le sens que avant, on se souvient avec Bob Gainey et Gauthier, c'était personne n'a le droit de parler à personne. Il y a des entrevues dans le vestiaire, ça finit là. Il y avait aucune approche avec les joueurs. Tu n'avais aucune entrevue avec Bob Gainey ou Pierre Gauthier. C'était fermé, là, ça n'a même pas de bon sens. Là, il y a plus d'ouverture, mais... Ben, attends un peu. Wow, il y a plus d'ouverture. Ils contrôlent les ouvertures. Puis quand les joueurs du Canadien sortent du contexte d'entrevue journaliste sportif après-game là, dans la chambre, c'est toutes des affaires contrôlées. Là. C'est 24CH. C'est l'émission avec Maxime Martin en limousine de Belle. C'est, tu sais, c'est le chauffeur là, que ça s'appelle là, le ouais. Whatever, là. Tu sais, c'est tout, c'est contrôlé là. Il y a pas un joueur du Canadien qui sort dans les médias non contrôlé par le Canadien là. Non, aucun, là. Mais au moins les joueurs sont quand même accessibles. en fait, on nous fait miroiter cette accessibilité-là. Tu sais, sur le dernier show, je le disais, je lâchais le cadre envers Martin Lemay, qui chialait contre les sénateurs d'Ottawa parce qu'il n'est pas capable d'avoir le coach une fois par semaine, une fois de temps en temps quand il le demande. Mais son équipe qui couvre le plus, c'est le Canadien de Montréal, puis il n'y a jamais eu un joueur ni un coach de l'organisation. S'il n'a pas fait des demandes d'entrevue, soit il fait mal sa job, soit il fait des demandes d'entrevue pour il refuse, puis il nous en parle pas, fait qu'il est hypocrite. C'est deux affaires-là, là. C'est ces deux options-là. Fait que, tu sais, je veux bien qu'ils critiquent les sénateurs d'Ottawa d'avoir refusé tout d'un coup l'équipe du PR de rendre le coach accessible, mais le Canadien de Montréal fait bien pire, ou il fait mal sa job, puis il sait pas qu'ils font pire, là. Ouais, ou c'est vrai, parce que Guy Boucher, J.C. Lajoie, l'a souvent à son émission. Non, il est très disponible. Les sénateurs d'Ottawa font beaucoup d'offensives de cette façon-là pour attirer le public francophone en Outaouais. Il y a des sondages qui prouvent que le Canadien est encore, chez les francophones, l'équipe favorite en Outaouais, puis c'est pas normal, là. Tu sais, l'équipe est à 15 km d'ici, là, de chez nous, là. À Canada, c'est à côté, là, puis ils veulent transférer l'équipe dans le centre-ville d'Ottawa, ça va faire une très, très belle différence, là. Mais ils font beaucoup d'efforts. C'est pas parfait, mais ils font des efforts pour rendre l'équipe plus attrayante pour les fans francophones. Mais Montréal fait pas ça, là. Quand est-ce que vous voyez Michel Therrien venir dans une émission de radio ou dans un podcast? Jamais. Ben, radio, l'a déjà fait. Non, mais dans saison? Semble que oui. Pense que oui, moi. En début d'année, cette année, il doit l'avoir fait. Ah oui, mais là, c'était le bout de PR de la patente, là. Ça va bien aller cette année, puis tout est beau, puis la vie est belle, là. Peut-être. Mais tu sais, c'est comme Marc Bergevin. Hein. Tu verras que Marc Bergevin, dans une saison, il y a trois stades. Hein. T'as le début de l'année, où ce qui apparaît tout le temps en complet fluo. Super swell, avec ses nouvelles lunettes, plein de couleurs. Pis... 10 octobre, l'entrevue qu'il a donnée à J.C. Lajoie. J'ai retrouvé le tape, là, début de saison. Ça allait bien. Ben, c'est ça. Il a quand même été à la radio. Ah, ouais, mais bon, on s'entend. Encore une fois, c'était contrôlé. Il ne pouvait rien dire contre l'affiche du Canadien. Il n'y en avait pas. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, comme. Puis, il y a Bergevin, là, je ne sais pas si tu as remarqué la dernière conférence de presse. C'est Converse, jogging, puis t-shirt blanc. Là. Je veux dire, il est comme. On dirait qu'il est sur le bord de la crise d'honneur. Puis, il va voir le Marc Bergevin, date limite, puis fin de saison, qui va être avec la grosse barbe. Il se rasera plus. Puis il va avoir, ça déprime. Ah, ben, à un moment donné, j'ai peur de le voir avec un club qui va pas bien, parce que là, à date, ça va bien en maudit. Puis il faut se dire que c'est un peu de la faute des jeunes. Tu me vois-tu m'en aller où est-ce que je vais? Ouais, vas-y, je te suis, là. Moi, dans le fond, là. Je veux parler d'un beau projet qu'on a à Montréal. Il y a eu une méchante belle game à Toronto, on va se le dire. Ah, je pensais que tu allais me parler d'une troisième tour des Canadiens. Non. OK, bon, c'est pas un beau projet, d'abord. Vas-tu vraiment une troisième tour? Mais non, c'est pas vrai. OK, ça, c'était abusé en tabarouette. Oui, oui, oui, non. Deux, c'était déjà beaucoup, là. Trois, là, capotez pas, les boys. Non, c'est ça. Mais non, le beau projet, moi, c'est Michael McCarron. Oui. Honnêtement, je sais qu'il jouera pas tout de même, mais la game contre Toronto, là, moi, là, si je serais coach dans le Canadien de Montréal... Là, ouais, c'était tes coach, hein? Ouais. Ben, je dis aussi, mange les raies, là. Mais ouais, je sais, mais c'est quand qu'on parle, ça sort de même. Je suis pas très bon en français dans le verbal, on va se le dire. Hey, tu manipules la française comme tu le sens, hein? Ben, c'est en plein ça. Voilà. Non, c'est ça. Moi, je ferais une copie de ce match-là. Puis je le donnerais à Michael McCarron. Ah oui, rappelle-toi de ça. J'y dirais. C'est pas compliqué. T'as-tu joué de même hier? Non, c'est de même, il faut que tu joues. C'est ça. Check le tape. Toutes les prochaines games, je veux que tu joues comme ça. Il y avait quelque chose dans son jeu qui me faisait capoter. Je pense que tout ce qui manque... Il manquait un peu de maturité dans son jeu. C'est normal. C'est encore un kid dans le national. En fait, plus ça brasse, plus il est dans son élément. Ben, c'est ça. Pis ça games... fait différent chez le Canadien de Montréal. C'est le fun à voir. Effectivement, la game contre Toronto, c'était un bijou. Là. Ça faisait du bien de voir une belle game Toronto-Montréal. Puis même là, du côté de Toronto, là, je vous le dis tout de suite, là, ça va être une équipe dans le pas long, ça. Là, Je fais l'autre, je l'ai dit. Mitch Marner. Moi, il me fait capoter, ce joueur-là. Là. Les Leafs vont gagner la Coupe avant le Canadien de Montréal. Peut-être. Mais hey, sérieusement, là, j'ai un souhait là, pour les playoffs cette année. Là. Je veux une série Montréal-Toronto. Ah, ça serait magique. Ça serait magique. Mais non, pour revenir à Michael McCarron, c'est pas compliqué. Je pense que le gars commence à faire sa place. Je dis pas ici qu'il va finir l'année à Montréal, loin de là. Pas mal sûr qu'il va retomber en bas. Mais je comprends pas pourtant. C'est que dans la Ligue américaine, il joue avec des pochetrons qui sont pas capables d'y mettre sur le tape, que le jeu va plus lentement. Puis, le gars, il est pas le plus rapide, là, mais il y a un pacing de la Ligue nationale. Son physique, c'est, toute sa game fit mieux dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Je pense qu'il n'y a plus rien à apprendre en bas. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Avec Sylvain Lefebvre, là, pas le meilleur coach, pas le meilleur entraîneur, pas le meilleur enseignant pour des kids, laissez-les à Montréal, puis tassez Dernay, hein, tassez whatever, qui tu veux, là, mais laissez McCarron en haut. Il est rendu là. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je te dis, c'est que ça n'arrivera pas. Pas mal sûr qu'il finit en bas. S'il finit à Montréal, tant mieux. Puis Michel Therrien a compris quelque chose. Il a évolué, puis il a changé sa manière de penser. Parce que c'est sûr que ça n'arrivera pas. Gamosa Dernay, s'il est vraiment plus blessé, il revient dans l'alignement, puis il tasse McCarron. McCarron est le genre de joueur que tu as besoin en ce moment. Mais qu'est-ce que tu as gagné? T'sais, j'essaie de me mettre dans la peau de Michel Therrien, là. Puis j'ai deux joueurs. Là. J'ai Dernay d'un bord, puis j'ai McCarron de l'autre. Je le sais que Dernay ne produit plus. J'ai bien beau rêver qu'il produise encore, il n'est plus capable de le faire sur une base régulière depuis 3 ans. Et de l'autre côté, j'ai un jeune homme, format géant, qui peut-être va faire des gaffes, mais qui surtout a le potentiel de s'améliorer. Lequel choisir entre les deux? David Dernay. Parce que dans la peau, Michel Therrien, là. Oui, je sais bien. Mais en fait, je pense que c'est David Dernay parce qu'il y a un contrat garanti NHL, puis c'est bien plus facile de barouetter un kid qui en a pas un. Puis ça, ben c'est pas une décision hockey d'un coach, c'est une décision business d'un DG. Ouais, mais en même temps, Dernay, tu le perds à la fin de l'année. Fait que moi, cette question de business-là, je m'en calisserais pas mal. Pour vrai, là. Je veux dire, dans le sens, Dernay, là, n'a rien à te prouver, puis même s'il prouve de quoi, là, si Bergevin re-signe Dernay, il comprend pas la game de la Ligue nationale. Non. Totalement, là, il est dans le champ, là, ça a même pas de bon sens. Mais en même temps, c'est lui qui a donné son contrat. Oui, puis dans ce temps-là, à la limite, il était cher, mais il méritait mieux son 3,5 millions par année qu'un Lars Seller, mettons. Je sais pas ce qu'on va. Quand le dernier a signé, ouais. J'étais comme, ah oh ouais, ok, c'est correct. Quand Lars Seller a signé 3,5, là, j'ai fait, c'est moi qui n'ai pas compris ou il y a quelque chose qui marche pas, là. Mais je te disais, avec les Caps, Lars Seller fait très bien la job dans lesquelles il est bon. Je sais pas s'il comprend que c'est ça, son poste, là. Parce qu'il a de l'air à se voir plus big que ça, là. Mais il est bon là-dedans, fait ça. Mais bon, il y a bien des joueurs qui sont comme ça dans la Ligue nationale. Qui... Avec 7 points, pas grand-chose à dire. Non, mais. Je t'ai expliqué, là. En tout cas, tu irais réécouter le dernier show, là. Ouais, non, mais je comprends que... Maintenant, je voulais pas des plaidoiries en l'avantage de Lars Seller à tous les shows, là. Maintenant, là, on va passer à d'autres choses. Tannée, là. Non, mais je suis d'accord, là. Mais quand même, tu veux dire... Bref. Hey, je pensais que t'allais me parler, quand tu disais beau projet, là, je pensais que t'allais me parler de Sherbach. Ben, en fait, oui, il y a Sherbach aussi, mais... Dans le sens que Sherbach, c'était bien beau. C'était bien le fun. Il a scoré son premier but. C'était-tu une trop grosse célébration, selon toi? Parce qu'il y a des gens qui chialent, hein? On le sait bien. De la joie qui sort d'un individu, un sourire sur les lèvres, on n'accepte pas cela à Montréal. Mais le pire, c'est que ce que je comprends pas, c'est... En fait, il y a juste Bergeron qui trippe pas, genre. Les autres s'en foutent pas mal. je comprends pas l'intervention de Michel Bergeron qui dit que Nikita Sherbak, il aurait aimé ça le voir célébrer plus sobrement. J'essaye là de me souvenir d'une célébration d'un jeune joueur de hockey qui commence son premier match en Ligue nationale, qui score son premier but sur son premier tir, pas sauter, gémir ou capoter après avoir scoré. Ça arrive jamais. Mais non. Écoute, Yakupov qui avait glissé ses genoux le trois quarts de la glace, là. On n'est pas là, là. Non, mais c'est ça. Puis, je veux dire, ce que je comprends pas, c'est que Bergeron va triper sur Galchenyuk, va triper sur Gallagher. Et honnêtement, allez voir les deux joueurs, le premier but qu'ils ont scoré, là, ils ont fait la même affaire. Ben oui. Tu sais, je veux dire. Le gars essaie de justifier son salaire de Don Cherry des pauvres. Ah, oh. Tu sais, c'est comme être en colère après le gazon. Hey! Il pousse. Non, mais c'est ça. C'est, ça me frustre. Le gazon c'est... pousse. Ma dingue, là. Je sais pas. J'ai juste l'impression que c'est justement, comme tu dis, faire son Don Cherry, c'est... Non, juste ta gueule, pour vrai. Là, mais c'est le mandat qu'on lui a donné parce que ça punche le Canada anglais. Mais on n'a pas assez de redneck au Québec pour que ça soit rentable que tu mises sur eux autres comme stratégie première pour un segment d'une telle ampleur. Tassez-moi ça, cette vieille relique-là. Mais surtout, sacré dehors le gars qui a pensé à mettre ça en onde. C'est lui le vrai problème. Par TVA Sport, il y a beaucoup de problèmes. Renaud Lavoie, Bergeron, Théodore. Brisebois plus là, man. Morissette. Ben, t'es encore là, Morissette? Ouais. Morissette, à la limite, il est drôle, là. Ben, j'aime son côté rassembleur de gang. Mais c'est ça. Mais me le mettre partout comme expert, là, on se calme. Ben, c'est ça. N'est en fait, pas c'est... un expert. Il est pas dans sa chaise, là. Tu sais, mêlé comme animateur de foule, là. C'est un peu le Éric Salvay de TVA Sport, tu sais. C'est vrai que lui aussi, il est vide. Il n'y a pas de contenu. Ceux qui n'ont pas écouté le Bye Bye, vous ne comprenez pas. Ceux qui l'ont écouté, ils ont trouvé cette joke-là super drôle. Je ne l'ai pas écouté. C'était subtil, c'était fin, c'était tellement bien placé, là. Du grand art. J'ai pas écouté le Bye Bye. T'as pas écouté le Bye Bye? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Mais moi, je travaillais le lendemain. Ben oui, mais il est surtout pour TV. Ah ouais, go! Ben ouais, je vais aller faire ça, là. Fait que finis le show. Moi, je te lance une joke d'Éric Salvay, là. Gros comme le bras, pis tu réagis même pas. Si tu pouvais lire la déception sur mon visage, là, tu capoterais. Je suis désolé. C'est tout ce que je peux dire, pour vrai. Ah. Déception. Mais en gros, les jeunes font le travail. Yes. En l'absence de tous ces blessés. McCarron, Sherbak, Carr, qui est quand même... Il a du grit, même s'il n'engendre pas les points. Non, j'aime bien ce que je vois, personnellement. Nathan Beaulieu aussi, qui est quand même... fait sa job, là. Top 6, qui veut s'immiscer dans le top 4. Il manque juste de constance. Ouais. Daniel Carr, y a-tu comme juste un but en 20 games? Ouais, ouais. C'est ça je pensais. C'est bon. Mais il va chercher les rondelles, il fait des passes, et il fait aller le jeu. Hey, il met-tu ses bandons? Il ramasse les pucks à la fin des entraînements, c'est ça? Aussi. Ok, aussi. C'est bon. C'est lui qui remplit les gourdes d'eau. Aussi. Il passe au dépanneur chercher des Gatorade. Aussi. C'est un bon Jack. Daniel Carr, là, tout un bonhomme. Ah. Non, j'essaie de voir du positif, là. Ouais, je vois ça. Avais-tu d'autres choses par rapport au Canadien de Montréal? Parce que moi, c'était pas mal le tour de mes sujets. Par rapport au Canadien, là, j'ai d'autres affaires. Là, mais pour ce qui est de Montréal, je te dirais que... on a parlé vite fait un peu tantôt, mais je veux qu'on en parle un petit peu plus parce que je veux aller à quelque part d'autre avec ça. Yes. Je m'étais marqué une seule chose sur mon papier, parce que je suis old school de même. J'ai marqué que Gallagher est brisé. Tu penses-tu qu'il va se faire amputer à la main? Ben oui, peut-être. C'est pour ça que tantôt je disais que juste une main droite. Non, mais pour vrai. Ok, 30, on vous salue. Non, ok, 30. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ils ont vraiment fait un article. il va peut-être être amputé. Non, toi, tu es bien su. Écoute, il y avait au moins 3 doigts encore fonctionnels, sa main, là. Au moins. T'ampute pas, là. Avant que t'amputes, là. Ouais. Tu sais que tu viens de donner du temps d'antenne alors qu'il est rendu notre show. Ah, gars. Je t'en veux un peu. Mais tu sais, au moins, c'était pour les encenser, tu sais. Au moins. Au parce moins. Que, on va se le dire que c'est de la merde. Avant que t'amputes, là, si, ouais. Ah, va chercher un deuxième avis du médecin, là. Non, en tout cas. Bref, OK, 30. Ouais, ah ouais, vas-y. N'allez jamais voir ça. C'est quoi pas d'accord, mon Jerry? C'est correct. Là, c'est moi qui ai brisé. Non, mais pour vrai, écoute, en 2 ans, Brendan Gallagher a eu 2 mains fracturées. Ouais. Et là, on parle de la même main. Deux mains, mais 2 fois la même. C'est ça. OK. Donc, 2 fois à la gauche. Ouais. On va se le dire. D'après moi, il y a un quota de fracture à la main là, dans une vie. Là. Il doit être pas mal proche. Puis en fait, lui-même en entrevue disait cette année qu'il y avait encore de la douleur à sa main, qu'il n'y avait pas la même mobilité, que sa main ne reviendrait jamais comme elle était avant. Et là, se la refracture une deuxième fois. C'est inquiétant. Vraiment. T'as le meilleur mot. Pour le gars, c'est inquiétant parce que lui, il est pogné avec ça, tu sais, à vie. S'il y a une séquelle là, il va l'avoir tout le temps, là. Puis sa vie, c'est pas juste le hockey. Mais c'est aussi inquiétant pour le Canadien de Montréal qui, je vous le rappelle, là, a signé ce gars-là jusqu'en 2020-2021. Si le gars, il a plus de main droite, là, parce que c'est cette main-là ou c'est la gauche? C'est la droite. Non, c'est la gauche. C'est la gauche. S'il n'y a plus de main, peu importe, là, s'il n'y a rien qu'une main qui est fonctionnelle, là, dans la Ligue nationale, aussi fougueux tu peux être, aussi hargneux, aussi compétitif tu peux être, il n'y a pas grand manchot. Non. Il y avait un cyclope, mais là, il n'y en a plus. Ah, oh, Manny Malotra a toujours sa place sur la POC. À moins que tu parlais de Brian Bérard, mais ça m'étonnerait. Non, c'était Manny Malotra. Ben, tu sais, tout ça pour dire que la formation du Canadien pourrait s'en mordre les doigts. Oh, peut-être jusqu'à amputation. Si Gallagher ne revient. Écoute, je suis un feu roulant de blagues! Tu sais, c'est inquiétant à long terme pour le Canadien de Montréal parce que s'il revient pas, ben, je pense pas qu'il revienne pas, là, mais tu sais, va-t-il être capable de jouer à la hauteur de son 3,75 millions de dollars par saison jusqu'à la fin de la saison 2020-2021? La question se pose. La réponse, c'est non. Je te le dis tout de suite. C'est impossible. À moins qu'il invente un super gant dynamique avec mouvement des doigts automatiques. Genre du Skynet style. Là. Ouais, ouais. Ça m'étonnerait. Ben, en partant, puis j'ai des preuves à l'appui. J'ai fait mes devoirs. Ouais. L'année passée, il a quand même eu sa blessure. Il a joué un total de 58 matchs. Ouais. Il a 19 buts. Cette année, 53 matchs qu'il a joué l'an passé. Bah, c'est encore mieux d'abord. 19 en 53. Sûrement trompé le 3 pour un 8. Ouais, sûrement, OK. C'est le sortilège. Ouais. L'alcool vient de kicker in right now. Puis cette année, il y a 39 parties jouées et il y a seulement 6 buts. Fait que si tu fais le calcul rapide, clairement qu'il n'est pas à son quota de l'année passée. Non. Puis ça s'améliorera pas, là. Mais en même temps, l'an passé, 19 buts, c'était l'équivalent de sa performance de il y a 2 ans avant. Puis son plus haut total, c'est 24. Donc, tu sais, l'an passé, c'était une très bonne saison dans le peu de matchs qu'il a joué. Puis cette année, non, il y a vraiment une grosse baisse de performance avant même la blessure. Non, c'est inquiétant pour le long terme. Ça pose la question parce que quand le Canadien a signé Brendan Gallagher, la plus grosse interrogation, c'est pas sur le cœur, c'est pas sur l'implication, c'est pas sur le talent brut en tant que tel du joueur. L'interrogation, c'était de savoir si ce gars-là, avec son style de jeu, son corps allait-il suivre la cadence à long terme. Et moi, je pensais que ce serait, tu sais, les épaules, des dislocations, des choses comme ça, à force de frapper et de se faire frapper. Mais les mains, c'est encore plus inquiétant parce que c'est dur de manipuler une rondelle quand t'as juste une main de fonctionnel. C'est dur de la mettre dedans aussi, donc ça influence tout ton jeu. Est-ce que c'était donc, si on revient dans le temps, est-ce que c'était donc une bonne signature de la part de Marc Bergevin? Oui. Pour vrai, oui, c'est une très bonne signature parce que, écoute, il a encore juste 24 ans. Là. Je vous ai enlève les deux blessures parce qu'il est signé avant sa blessure, ça, ouais. Faut se le dire. Tu sais, Bergevin, c'est pas un prophète. Là. Il peut pas voir qu'elle allait se blesser deux fois de même. Là. Je sais, sauf que le bémol que je rajouterais dans cette discussion-là, c'est que Alex Galchenyuk, il lui a fait signer un bridge contract et finalement va s'en mordre les doigts. Parce qu'il est obligé de le re-signer alors que le gars rise en termes de performance. Et à l'inverse, Gallagher, qui était à peu près dans la même situation, lui a signé directement à long terme et il va finir par s'en mordre les doigts en raison de l'usure de son corps. Là, c'est les mains, ce qu'on pouvait moins prévoir, mais on savait que ce gars-là allait être fragile à long terme dans sa carrière vu son style de jeu. Et il s'en mord aussi les doigts. Donc, a-t-il pris la bonne décision dans les deux cas ou a-t-il pris une mauvaise dans les décisions dans les deux cas? Moi, je pense qu'il n'a pas pris de la bonne décision. T'sais, il a misé sur le mauvais cheval au mauvais moment. Ouais, mais en même temps, Gallagher a tout le temps été constant depuis le début. Son style de jeu, il méritait son contrat. Pour ce qui est de Galchenyuk, moi, les bridge contracts, j'ai jamais été d'accord avec ça. Je trouve que c'est la pire invention de la planète. Hein. Parce que la fois, c'est. Je trouve pas que c'est nécessairement comparable. Galchenyuk était pas. Tu sais, oui, il risait tout le temps. Il était pas 100% constant. Je suis pas d'accord avec le budget contract. Mais pour ce qui est de Gallagher, c'est qu'il devenait une valeur sûre. Fait que tu le signes. Tu sais, je veux dire. Moi, j'aurais fait la même affaire. Et puis, comme je te dis, tu peux pas savoir qu'il va se manger deux rondelles sans main et qu'il va être scrap. Là. Le kid de 24 ans, puis il a des bonnes saisons. Là. Je dis pas, écoute, par miracle qu'il va peut-être se replacer, puis il va être à sa main, il va être à 75%, ce qui est déjà quand même bon. Là. Mais c'est sûr que ce gars-là, à 30 ans, 32 ans, ça va être fini. Là. Moi, en fait, c'est pas compliqué. Brendan Gallagher, puis c'est plate à dire. Là. Mais si t'es en train de magasiner une transaction monstre, peu importe, puis que le nom de Gallagher vient sur la discussion, j'y penserai. Oh oui. Parce que c'est sûr que à 24 ans, ses performances vont être descendantes seulement à cause des blessures. Là. OK. Statistiquement parlant, j'occupe de 2 ans au moment où est-ce que les gars ont terminé leur saison et étaient assignés leur nouveau contrat, leur contrat actuel. Gallagher venait de faire une saison de 47 points en 42 matchs, 24-23 buts et passes. Et Galchenyuk, lui, avait fait 20-26, 46 points. Un an plus jeune. Galchenyuk, soit dit en passant. T'as un bridge d'un bar pis t'en as pas de l'autre. Qu'est-ce qui justifie ça? J'ai encore un problème à ce niveau-là, tu sais. Ben en fait, là, ce qui justifie ça, moi je vais te le dire, c'est l'attitude. C'est le. Ce que les deux joueurs dégageaient. Les deux joueurs. Comment je peux te dire? Gallagher est beaucoup plus mature. Hors glace, que même sa glace, qu'un Galchenyuk. Je pense que le potentiel, t'as l'avantage de Galchenyuk. Ça change absolument rien. C'est pour ça que je te dis. Je dis pas que je suis pas d'accord avec toi. Là. Mais c'est parce que ça fait deux fois. T'sais, Subban aussi, oui, on critiquait son style, son attitude. C'est son attitude. Pis, c'est ben, en plein ça. Il est allé te péter des points, puis t'en. Ben écoute. T'as payé over son salaire parce que t'étais obligé de le payer à la hauteur de ce qu'il t'avait offert comme performance. Et encore une fois, tu vas t'en mordre les doigts. Soit t'as une mauvaise évaluation de la part de Bergevin de qui va vraiment atteindre son potentiel ou non. Ou il donne trop d'importance à l'attitude au-delà des capacités sur la glace. Parce que imagine, là, si Subban avait eu un contrat avant de signer son bridge, là, on y aurait. On le, 5 millions par année. On aurait pu le signer, ouais, mettons 6 là, pour faire, tu sais, un beau chiffron, là, puis. Contre qui tu l'échanges à 6 millions? Pas contre chez Weber. T'es probablement capable d'avoir encore mieux que ça. Chez Weber, peut un pic, probablement, tu sais. Parce que. C'est sûr, parce qu'ils sont de l'argent. Ben oui, c'est ça, exact. Non, mais ça, ça c'est le côté de la game que tout t'adore, là, le business cash. Puis je suis d'accord avec toi totalement. Là. C'est sûr que dans le cas de Subban, le bridge contract était une erreur. Mais je reviens sur l'attitude. Imagine que tu donnes un gros contrat puis que finalement, côté attitude, il se développe pas autant. Il fait un Nathan Beaulieu de lui, mettons. Là, puis que... Ouais, mais il avait déjà offert des performances, là. Nathan Beaulieu est encore au stade de promesse. Moi, si tu veux me montrer un exemple de quelqu'un qui a tout le talent du monde, mais qui a une attitude de marde, dis-moi Evander Kane. Si je te mets Evander Kane dans une proposition de transaction aujourd'hui, là, si t'enlèves les démêlés avec la justice, là, parce que je pense qu'il y a un procès à venir, là, mettons que t'enlèves ce bout-là, 100% des équipes s'essayent pour l'acquérir parce que tu sais jamais comment est-ce qu'il va pouvoir rebondir. Radulov, c'est la même affaire. Le Canadien s'est essayé parce que ils se disent, mettons que ça fonctionne, il y a tellement du talent que ça va valoir la peine. Fait que je comprends pas le bridge contracts basé sur cette raison-là. Faudrait vraiment que le gars se plante, puis encore là, écoute, les chances qu'il se plante après avoir montré des performances comme il l'avait fait, de 20 buts, 26 passes, 46 points en 80 matchs, plus 8. Je comprends pas, tu sais, que tu guesses encore le talent que le gars va avoir, surtout que tu l'as choisi 3e overall. Puis deux fois, le Canadien va avoir finalement, ben, faire la gaffe de donner un bridge contract qui n'était pas nécessaire. Ça, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est la meilleure méthode pour détruire tout argument. JB vient de l'énoncer. Je disais, non, mais pour vrai, je sais pas quoi dire. Je suis totalement d'accord. Juste le fait que c'est un troisième choix de ronde. Puis qu'il avait déjà démontré, s'il avait rien montré, tu sais, à la Nathan Beaulieu. Nathan Beaulieu, Bridge, pas de problème. Il a rien montré encore. Il a pas eu, sur un assez long laps de temps, un flash qui est numéro 2, mettons, en défense. Il y a eu des games qu'il nous a montré un talent de ce niveau-là. Une fois de temps en temps, une fois 10 games, peut-être, aux 15 games. Pour un attaquant qui écoute Gachenok qui a été utilisé ce qu'est le trio il y a 2 ans, c'est la 3e ligne. Puis par parcimonie, pas à sa position par terrien. Puis il a quand même 46 points. 46 points là à la fin de la saison là, dans les meilleurs pointeurs de la ligue là. T'es pas dernier là. T'es loin d'être dernier. Je comprends pas. Je comprends pas plus. Non, pour vrai, Benjamin, on va s'en mordre les doigts. Il va aller chercher un 6 millions, 7 millions facile. Là. Écoute, 46 points, là. Je regarde l'an passé, là. Ça le met... 46 points, ça le met au niveau de du 110-115e rang des pointeurs de la Ligue. Avec un club qui en a nulle part. Là, ben oui. Passée. Écoute, c'est un point de moins que Jordan Eberle, qui est un solide talent. C'est un point de moins que Andrew Ladd. C'est autant de points que Thomas Hertel, Marcus Johansson, David Backes. C'est un point de plus que David Backes. C'est 2 points de plus que Sidney Crosby. OK, il avait joué juste 33 matchs. Là. Hey, wow, on s'assinera pas pour des niaiseries. Mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu montres les performances que tu montres, t'es censé en profiter, tu sais. T'es censé prendre avantage de la situation. Tu le signes à long terme pour bien moins cher. Puis, si jamais... Mettons, ça accroche, il fait des niaiseries. Il y a toujours un club qui va le pogner. qui va prendre le guest parce que qui sait si tu le remets sur le droit chemin, qu'est-ce qu'il peut te donner? Si le talent primait pas sur l'attitude, Evander Kane n'aurait pas de job aujourd'hui depuis super longtemps. Puis Patrick Kane, pas sûr qu'il serait dans la ligue. Puis pas sûr que les Blackhawks l'auraient maintenu quand il y avait l'accusation d'agression sexuelle l'été passé, qui était fausse, mais qui a quand même existé, tu sais. S'il avait pas eu tout le talent du monde, il s'en serait détaché. C'est sûr. Ça t'a-tu parlé du championnat du monde junior? Que j'ai pas écouté. Non, ben, défaite en tir de barrage, défaite Crève-Cœur du Canada. Ça, je peux en parler. Ouais, non, c'est ça. J'ai écouté le match, ça a fini ben trop tard, je suis réveillé le lendemain. J'étais déçu. Bon. Ce que je veux parler, c'est du fait français chez Team Canada. Qu'il y avait une grosse batch de joueurs. Batch étant le bon mot. Parce que tant qu'à parler de fait français, mettons des anglicismes. j'aime ça. Des joueurs francophones du Québec, il y en avait plusieurs. Et c'est sorti dans les médias comme quoi on n'avait pas le droit de s'exprimer en français dans le vestiaire. Même s'il y avait plusieurs joueurs francophones et même si le coach en chef était francophone. Il y a Julien Gauthier, prospect des Hurricanes de la Caroline, qui a dit « Tu ne parles aucunement français, t'as pas le droit, vu que pour tout le monde, la langue première, c'est l'anglais là-bas », a déclaré Julien Gauthier. « À un moment donné, t'essaies de parler en français avec tes chums, mais tu ne peux pas. » Puis là, ben, bien entendu, le Bloc québécois a sauté là-dessus comme la peste sur le pauvre monde. Mais enlevons cette affaire-là, là. Qu'est-ce que t'en penses du français chez Team Canada? Accepter, pas accepter? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, là, je vais demander aux gens de checker chaque province du Canada. Checker ça, guys. Puis de me donner la langue première dans la moyenne de toutes les provinces. Pas mal l'anglais. À part le Québec, pas mal l'anglais, oui. Ce qui est important de savoir, c'est que l'anglais doit avoir primé dans tout le tournoi. Je veux dire, en général, les arbitres vont parler anglais, les descripteurs vont parler anglais, tout le monde va parler anglais. Puis en même temps, là, je te dis ça de même, là, mais si Julien Gauthier, là, c'est pas parler l'anglais, mais qu'il arrive en Caroline, il va attraper l'air bête sur un pas pétant. Oui, sûrement. Fait que c'est de l'immersion anglaise pour une ligue nationale qui est en anglais. C'est bien plate. Va falloir un moment donné que vous vous enlevez la tête du cul. On va le dire comme ça. L'anglais dans le monde en entier est dans le top 3 des langues parlées. Oui. Mais en même temps, tu sais, le Canada est censé être bilingue, deux langues officielles. Oui, d'accord. Tu comprends que quand t'es sa job, c'est correct. Tu sais, parler en anglais, c'est ça la langue. Mais de là à interdire que tu parles avec tes chums en français, tu sais, Julien Gauthier, il dit encore en 2017, il y a supposément deux langues officielles au Canada, mais il y en a une qu'il faut laisser à la maison. C'est ça, être traité en citoyen de seconde classe. C'est pas fait des amis là-bas, là. Non, c'est sûr, mais écoute, ça m'étonnerait, là, que Pierre-Luc Dubois et Julien Gauthier, dans une petite discussion rapide, qui n'aient pas parlé français. Ah, excuse-moi, ça c'est Mario Beaulieu, un porte-parole du Bloc québécois, la deuxième citation. C'était pas Julien Gauthier, en tout cas. Mais whatever, là, c'est quand même. Tu sais, je veux dire, je comprends là, que le monde capote un peu là-dessus. C'est normal. Moi, je m'en fous. D'ailleurs, nous autres aussi, on est bilingues. Hein? C'est la POC. Fait qu'on est là. Ben, c'est ça. Hein, on s'appelle pas la rondelle parce que c'est pas mal plus laid. Le palais. Le palais. Le disque. Hey, non, sérieux, on change le nom pour le disque. Il n'y a personne qui va comprendre. Tout le monde va faire comme, il n'y a pas d'album de musique ici. Voyons, non. Non, je quitte le projet à l'instant. Non, mais pour vrai, c'est une tempête dans un verre d'eau. Moi, personnellement, là, c'est mon opinion globale de la chose. C'est comme le fait québécois chez le Canadien de Montréal. Ah, oh, je m'excuse, mais si t'es capable de former un club avec 23 joueurs de Québécois, ouais, pas mal sûr que tu finis 30e. C'est ça comme ça. T'as peut-être un bon gardien, là, mais pas ça, là. Mais encore là, ton meilleur gardien québécois en ce moment, c'est qui dans la Ligue nationale? Carey Crawford. Il n'est pas né aux États, lui. Non, c'est un Montréalais. Pour vrai? Mais oui. Encore là. Je viens-tu comme de briser ton argument? Ouais, un peu, mais c'est pas grave. Le meilleur coach québécois, ce n'est pas Claude Julien ou Bob Hartley. Juste en passant, c'est les Franco-Ontariens. Non, c'est carrément Michel Therrien, le meilleur coach. Non, c'est pas vrai. Mais Guy Boucher pourrait être candidat pour le meilleur coach québécois. Mais encore là, regarde, c'est une autre affaire. Là. Non, mais en tout cas, bref, peu importe. Là, je veux dire, t'as un moment donné, là, c'est juste une langue. Hein. Ils se comprennent, oui. Ça finit là. Moi, je trouve que c'est le... Ici, on entend parler parce qu'on est au Québec, là. Puis là, ouais. Ben, les politiques là, se sont emparés de l'histoire, puis ça jacasse pour rien, là, mais... Alors, c'est la langue de la business, là. Tu sais, moi, là, si, mettons, là, je travaille en économie, mettons, là, puis ma job, là, c'est de faire des transactions en bourse. Même si mon bureau est au Québec, là, va parler en anglais parce que la langue de la business, c'est en anglais. OK? C'est ça la réalité de la patente. Puis si, à l'inverse, écoute, je suis aux États-Unis puis je travaille dans les musées puis l'art historique, c'est le français, la langue. Ben, je vais parler français. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, la game. La game, c'est que ta langue de business, c'est elle qui prime. Puis, OK, la langue de business, c'est l'anglais. C'est tout. Le niaisage. Avais-tu d'autres sujets? Parce que moi, j'ai un dernier petit sujet de ma part. Puis après ça, on ira avec les questions des auditeurs. On va faire ça. OK. Je veux savoir, aujourd'hui, on est en 2017. Toi, comment tu consultes tes résultats sportifs, ton actualité sportive? Par quel médium, par quel... plateforme tu passes pour avoir accès à tes informations sportives pour suivre ton Canadien ou ta Ligue nationale? Internet. Cellulaire. Ah ouais? Puis, tu sais, quel site, là? Sors-nous tes plugs, là. À qui tu te réfères? Danscoulisses.com. Yeah. C'est un de mes premiers. C'est sûr que je vais quand même voir certains médias traditionnels parce qu'ils peuvent avoir une certaine proximité, genre vestiaire. Avec, mettons, RDS. Ça, c'est un incontournable quand même. Sinon, en général, la TV, c'est sûr que c'est dans mon salon. Pas mal ça, sinon HockeyDB, si je veux des statistiques. Ça va tourner là-dessus. Je suis pas trop au côté business cash, parce que je sais qu'il y a des general managers ou des affaires de même, là, mais ça, c'est plus pour les contrats pis tout. Ouais. Ça, je suis un peu moins ça. Mais sinon, c'est pas mal ça. Dans les coulisses, je te dirais que c'est le premier qu'habituellement je vais voir tout le temps. Ouais, moi aussi, parce qu'ils font un wrap-up de comme toute l'actualité. Sinon, c'est mon fil Twitter. Je me suis fait une catégorie genre NHL avec les insiders et tout le monde. Là. Fait que c'est pas mal ça. Je vois plus. T'sais, dans mes favoris, j'ai RDR, j'ai tout ça. Là, c'est un site là, d'actualité-là. Mais je vois même plus. Même la presse, le seul que je vais lire, c'est Mathias Brunet. Tu sais, que je fais un détour pour aller voir son blog, c'est lui. Une fois de temps en temps, Martin Leclerc de Radio-Canada. Mais ma consommation d'actualité du Canadien ou sportive est complètement alternative. Puis ça m'a flashé parce que je préparais le show, puis le seul site que je suis allé voir, c'est comme la dernière semaine, les articles dans les coulisses, voir les titres, ça ressemblait à quoi? Ah ouais, t'as l'affaire, puis je suis allé lire. Pas été sur RDS. J'ai parlé, là, ça fait une heure là, qu'on jase ensemble. Là. RDS, aucun rapport là-dedans. Mais c'est pas fini aux autres pas tout. Merci. Ouais, vas-y. C'est vrai que RDS, c'est une forme en statut. Je consulte moyennement, puis quand j'y vais, c'est juste pour voir les highlights de la game, en fait. Moi, je vais sur le site de NHL directement. Pour avoir toutes les stats des games, le résumé est là, le condensé, ça dure 2 à 3 minutes. Bang, merci, bonsoir. Je fais mon petit résumé. Ah, les matchs qui m'intéressent, je vais aller voir la petite vidéo. Merci, bonsoir. Je fais mon petit tour. Sinon, ça a l'air niaiseux, mais marqueur.ca ou .com pour mon pool d'hockey que je me fais à tous les années. T'sais, c'est pas mal ça. Je me suis rendu compte que ma consommation, j'ai même pas le câble. Fait que moi, j'utilise des moyens légaux sur Internet pour voir les games. Fait que c'est ça. Fait que non, je me demande aujourd'hui comment est-ce que ces médias-là plus traditionnels réussissent à survivre, parce que je suis pas le seul, tu sais, dans ma catégorie là, les jeunes, ça s'en vient tout vers là. La Ligue nationale, le Canadien de Montréal, les diffuseurs officiels vont avoir à s'adapter. Le contrat de diffusion des matchs de la Ligue nationale, c'est des milliards de dollars, mais si on va pas voir les matchs à TV, les codes d'écoute vont baisser, les revenus publicitaires vont baisser, puis éventuellement, le contrat va finir, puis l'entente prochaine va être plus basse. Les revenus des jeux. Tu sais, il y a une escalade aussi qui passe par là. Il y a une réadaptation à faire de la part de la Ligue nationale. Puis une des affaires, c'est l'accessibilité de façon légale des matchs sur Internet. J'en jasais avec Chris Pelleret. De NHL Center Eyes, quand j'étais sur la Côte-Nord à Havre-Saint-Pierre, écoute, j'étais loin, là. Je m'étais abonné pour pouvoir avoir accès au match des Flyers. Puis j'ai payé, là. J'ai payé mon abonnement. Pas capable, parce que j'étais dans la zone de protection des Flyers. Tu me niaises? Fait que le service est pas adapté parce que régionalement, j'aurais pu être abonné via mon distributeur, mettons, de câble, j'aurais pu avoir accès à une chaîne qui diffuse le match. Faut que tu veuilles en sacripant, là. Mettez-moi ça disponible à la carte. Moi, là, le best, là, si j'étais à la Ligue nationale, je dirais un abonnement par équipe. Tu payes 200$, t'as tous les matchs de ton équipe à l'année. Peu importe c'est où, peu importe c'est quand, les reviews. Puis par formation, au lieu de prendre le package pour la Ligue au complet, vas-y spécifiquement par équipe, puis arrête de nous faire suer avec tes blocages de zone, là. Tu peux même acheter un match, peu importe t'es où, là. Ben tu vois, je veux que ce match-là, ben, paf, c'est 5,99. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a une année où est-ce que RDS l'avait fait, il avait fait des tests. Je faisais mon cours de radio. Ça fait... Écoute, j'étais à Québec, ça fait... J'ai fait 6 ans de radio, ça fait 3 ans que je suis plus en onde, ça fait donc presque 10 ans. Il y avait des streamings de matchs sur RDS.ca. Ils ont fait un test pendant une fin de saison plus les playoffs. Moi, j'achetais mes games à l'unité. Je pense que c'était 1,99 la game. J'ai acheté tous mes games. Ils ont fait de l'argent avec moi sans problème. C'est jamais revenu. Je sais pourquoi, là, parce qu'il n'y a pas d'entente sur les droits web des matchs de la Ligue nationale. La Ligue nationale n'a pas d'entente là-dessus, à part avec Rogers. Puis encore là, c'est pas disponible partout. C'est avec les téléphones cellulaires. Ouais, faut que t'aies un compte Rogers. Ouais, c'est ça. C'est vraiment weird, là. C'est pour y avoir accès via le web par cellulaire. Écoute, gros niaisage. Mais il y a 10 ans, j'étais capable de streamer légalement mes matchs, de payer ce que je veux, un prix que je trouvais raisonnable pour avoir accès au contenu. Puis aujourd'hui, on me le permet même pas. La voie légale me nuit. Parce que je voulais être légal là, quand j'étais sur la Côte-Nord. Je voulais. J'ai payé, puis on m'empêchait de le faire. Donc, j'ai arrêté de payer. Tant que vous n'allez pas m'offrir le service adéquat, accessible et qui est à mon avantage. Je n'irai pas payer pour quelque chose qui ne m'avantage pas. Voyons donc, je ne suis pas un idiot, là. Non, c'est sûr. Il y a un réveil à faire chez la Ligue nationale. Sont en retard. On va se le dire, là. Sont très en retard. Parce que les matchs, je pense que c'est la NBA qui sont disponibles sur Twitter gratuitement. Ben, je sais qu'il y a des lives Facebook, là, des fois. Hein. Entre autres. Mais c'est ça. Je pense, je sais pas si c'est Twitter ou Facebook, mais ou c'est le football ou la NBA. Il y a des matchs gratuits sur le streaming, sur le Facebook des équipes, puis sans problème, là. Ben moi, j'ai déjà vu des matchs. Il y a des matchs, on parle de basket, là, mais il y a des matchs de la D-League, souvent, sur des lives Facebook. J'ai liké pour toutes les équipes de la NBA. Ouais. Puis ça arrive souvent dans mon fil Facebook, je vois un match. C'est sûr que c'est la D-League, mais en même temps, c'est des jeunes. C'est comme l'équivalent d'un match de la AHL. Mais je suis pas mal sûr. J'ai déjà vu, il y a eu souvent des événements, genre comme réseaux sociaux, là, où ils montraient la game sur Facebook, là, direct, là. Mais en même temps, Facebook fait de plus en plus de live de comme plein d'affaires. Là. Ça va changer la game, ça, bientôt. En tout cas, je pense. Ben, tu sais, si tu le sais, là, c'est comme les podcasts, là. Si tu sais que le consommateur vient spécifiquement pour un produit, t'es capable d'y vendre des pubs qui lui touchent directement. Ben, plus facile de savoir qui est atteint par ton produit puis par ta pub, tu sais. Je sais pas jusqu'à quel point les publicités que on nous présente à RDS atteignent la cible lors des matchs. Tu sais que les gens sont pas entrés dans la toilette puis qu'ils voient pas les pubs, même à faire pour les pubs sur le long des bandes ou des choses comme ça. Je voyais un article dernièrement sur une compagnie qui achète toujours ses pubs en Floride sur les bandes pour que quand le Canadien passe, la pub soit là. Tu sais, j'ai vu Duproprio en Caroline. Ils donnent pas d'argent aux Canadiens, ils passent directement par une autre formation, payent bien moins cher et ont quand même accès au public canadien, tu sais, qui suivent le Canadien de Montréal. Tu sais, il y a moyen de penser ta stratégie autrement, puis d'offrir une accessibilité privilégiée sur le web. Bon Dieu, ça serait le temps, là. On est pas mal rendu là, là. Mais je pense que ça va s'en aller tranquillement pas vite. Là. Je veux dire, de plus en plus. Ben, les dinosaures vont quitter. Il n'y a pas de tranquillement, là. Fais ça là. Les feeds sont disponibles. C'est l'idéal. Mais. Tu sais, je vais payer. J'ai pas de problème à payer. Mais offre-moi le service que je veux. En tout cas. Question du public. On a 3 passes sur la palette au moment d'enregistrer. Je vais juste faire un petit refresh de notre Facebook, voir si on en a d'autres. Donne-moi une petite seconde. Ben, en attendant, je vais te lire la première question. Christopher Pellerin, un de nos auditeurs qui est dans l'Ouest canadien, je pense qu'il est dans le coin d'Edmonton, qui nous demande, parce que lui, c'est un fan des Sénateurs, puis on a discuté là, des Sens, je discutais avec lui sur Facebook, puis il me demandait, ben, en fait, il nous demandait, puis il voulait particulièrement avoir ton avis à toi. Parce que ça a l'air que t'es l'expert des deux, Jerry. Il t'encensait. Abondamment, j'ai dit, gars, je vais m'en souvenir. Et il nous demandait quel défenseur vous choisissez si on vous offre le choix entre Marc Métot et Jeff Petrie. Ah! Ben, je la trouve un petit peu plus difficile. C'est pas tout à fait le même style de défenseur. Non, Petrie c'est est plus sûr. Offensif. Métot est plus défensif. Moi, j'aurais tendance à prendre Marc Métot en premier. Ben, moi, avec, parce que dans le. Surtout, je trouve que dans les dernières années, il y a eu comme une progression assez constante de Marc Métot. Puis là, écoute, moi, étonnant que je suis pas 100% des Sénateurs, mais je pense qu'il est facilement dans le top 4. Il joue avec Carson tout le temps là. Ok, bon, il est dans le top 2, c'est encore mieux. Ouais. Les deux ont chacun leur importance, mais en même temps, je pense que Marc Métot, il fait plus sentir aussi sa présence. Moi, c'est le genre de défenseur que j'affectionne plus particulièrement. Là. C'est le gars qui est vraiment défensif. Il doit quand même tirer son épingle du jeu côté offensif aussi. Statistiquement, là, en 35 matchs, 0 but, 5 passes, 5 points. Il est à plus 11. Ça, c'est Marc Métot. Jeff Petrie, il est à 39 matchs, 8 buts, 13 passes, 21 points, plus 16. C'est sûr que statistiquement, ça paraît bien, mais la formation du Canadien de Montréal cette saison est bien plus forte que celle des Sénateurs. Style de jeu beaucoup plus défensif, mais c'est ce que les Sénateurs avaient besoin. Et dans cette transformation des Sénateurs que Guy Boucher est en train de mettre en place, Marc Métot est un élément essentiel. Et c'est pas pour rien qu'il est défenseur numéro 2 avec cette équipe-là, avec Carson. Ces deux gars-là grugent des minutes à chaque match comme ça. Pas de bon sens. L'avoir à Montréal, je sais pas si Marc Métot s'imbriquerait bien dans le style de jeu de Michel Therrien puis dans la formation du Canadien. Mais en tout cas, si tu prends équipe pour équipe, l'impact de Marc Métot est bien plus grand que celui de Jeff Petrie. Là. Mais c'est le genre de défenseur justement que je mettrais avec Jeff Petrie. Genre. Ouais, non, c'est ça. Ça serait un excellent duo, ça, c'est sûr. Mais tu sais, si on parle d'impact, là, pas le choix de prendre Métot. Là. Non, je suis d'accord. Puis en même temps, tu sais, il joue avec Carson justement pour combler probablement le côté défensif. honnêtement, je pense que j'irais plus avec Method, mais tu sais, j'aime beaucoup Pechu aussi. Je veux dire, le côté offensif est tout le temps comme impressionnant. T'sais, on va se dire qu'avec Carson, c'est quelque chose. Mais je vais y aller avec le défensif. Tu sais, comme Shea Weber, c'est la même affaire pour moi. C'est un défenseur défensif. Georges, dans le temps, j'affectionnais son style parce qu'il était défensif. Fait que ouais, mon choix il irait pas mal plus avec Marc Method. Puis en passant, il est plus gros aussi. Method. Ouais, ben écoute, c'est pas flagrant, mais moi aussi je vais y aller avec Method. Là, c'est pas comme si y a même pas de discussion. Tu sais, je pourrais comprendre que quelqu'un dise Petri, puis gars, j'accepterais aussi. Là, mais pour moi aussi, je trouve que l'impact est plus grand de Method avec Ottawa. Il y a David Fontaine-Rondeau qui, à bord de son truck, nous textait. Je sais que c'est un sujet que DLC a déjà abordé, mais s'il y avait une proposition de transaction avec les Oilers d'Edmonton, de nous leur envoyer un défenseur et eux de nous envoyer un attaquant, est-ce qu'on le ferait? Pis je trouve la question floue, puis c'est le même qu'il l'a demandé là. Fait que ben c'est sûr que chaque formation a des besoins, puis t'essaies de profiter de tes surplus pour acquérir ce que t'as de besoin. Malheureusement, le Canadien de Montréal a cette fâcheuse habitude d'avoir des besoins là où il a des surplus. Le Canadien a des besoins en attaque, c'est là qu'il y a des surplus. On a des centres en chier, là. On en a partout, là. Je m'en fasse un tapis, là. Puis en dessous, il y a tout un joueur de centre, là. Il y en a partout. Puis en même temps, on a un surplus de défenseurs, mais là où est-ce que. Là où est-ce qu'on en a trop, c'est ceux qui sont pas bons, puis c'est pas ceux-là qu'on veut. Qui vont être intéressants à acquérir pour les autres formations. Fait que. C'est une situation qui est comme pas compatible. Parce que quel défenseur on va donner aux Oilers? Markov, non, il en veut le plus, il est trop vieux. Pas là, il y a 2 ans, oui, pas là. Beaulieu, OK, ouais, ils vont le prendre. Mais contre qui? Donneront pas pour Yarvi, là. Non, parce que son contrat finit à la fin de l'année. En plus. Emlyn. Non plus. Est-ce pas vrai que c'est un défenseur numéro 2, là? Non. Il y a personne qui gagne ça, là. Il peut être vu comme un top 4, mais t'auras rien d'intense pour, là. Je veux dire, c'est. Encore là, ils ont donné un Taylor Hall pour Larson. Moi, ça me fait espérer à chaque fois. Oui, okay, là, je sais. Là, mais tu sais, Cherrelly, c'est l'idiot du village. Puis arrêtez, là, il y a bien du monde qui me croit pas. C'est l'idiot du village, OK? Il a laissé les Bruins dans un piteux état. Il a fait des trades de marde avec les Oilers. Puis il va juste aller gagner une coupe cette année parce qu'il y a McDavid, OK? C'est l'idiot du village. Faut juste espérer qu'il débâtisse pas assez le club des Oilers pour qu'il soit capable de riser comme son parti là. Bon. Il va échanger McDavid aux Kings de Los Angeles. Ouais, en échange de. Considération future. En échange de NZ Kopitar. Là, on va faire comme. OK, ouais. Là, Day One, c'est correct, mais dans 2 ans, ça sera même plus fair, là. Ouais. Mais même Day One, c'est pas correct. Ouais, mais c'est pas grave. Même Day One, là, j'essayais d'être fin. Mais, fait que c'est ça, tu sais. Je veux bien, là, le Canadien, que, tu sais, mettons un Eberle, un Ryan Nugent-Hopkins, on les prendra à Montréal. Mais eux, ils ont besoin de défenseurs, puis tu donnes qui en défense? Ben, tu sais, on les veut à Montréal, oui, mais faut pas oublier que c'est 6 millions, ça en masse. Faut que tu donnes de quoi d'équivalent, puis tout ce qu'on a d'équivalent, c'est pas vraiment écœurant, tu sais. Ah, c'est ça. Tu donneras pas Plekanec pour Ryan Nugent-Hopkins, là? Ben, avec 2 choix de première ronde, peut-être, mais encore là. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut juste être capable de voir le côté autre. C'est pas juste des noms sur deux feuilles. Ben, c'est pas si pire. Il y a des contrats, il y a des clauses, il ouais, y a beaucoup de choses. Puis tu sais, on va se le dire tout de suite, là. C'est pas avec un André Ghetto dans une transaction que tu vas faire pencher la balance à Montréal. Moi, André Ghetto, OK, là, mais. Parce qu'il y a beaucoup de ça, hein. Tu vas aller chercher un joueur, ben, tu donnes André Ghetto. Ah, il y a Udon aussi. Ouais, mais non, ça, c'est. Mais c'est parce que tu préfères les garder au cas qui est clos, tant qu'à le donner pour rien. Non, mais si tu pars de quoi, je comprendrais. Mais en même temps, faut pas se leurrer que. Je veux dire, Andrietto, il est quand même bon dans les games américaines, mais sérieusement, il y a une couple de games que je vois jouer à Montréal, ses prises de décision sont assez lamentables, là, des fois. Là, je veux dire. je veux pas froisser n'importe qui tripe sur André Gatto, là. J'ai juste l'impression que le gars évolue pas dans la Ligue nationale, tu sais. Ouais. C'est, il stagne à un niveau, puis c'est plate à dire, mais peut-être ça va marcher ailleurs. Puis tu sais, je pense que j'avais déjà parlé dans un autre show avant. Faudrait qu'André Gatto aille ailleurs. Puis même Udon, je pense que ça serait mieux pour lui d'aller ailleurs pour ouais. évoluer, genre. Ah, oh, et puis avec le style de joueur du Canadien, il veut, pas. Tu sais, à Mané, c'est parce que, tu sais, c'est cool, là, des patates, là, mais si tu manges rien que de ça, c'est plus bon, là. C'est ça. Canadien, c'est un peu ça. Fait que, voilà, je pense que la réponse peut pas être plus claire que ça. C'est que c'est de l'offre contre du besoin, puis le Canadien a des besoins là où est-ce qu'il y a de l'offre. On a besoin de joueurs d'attaque, mais ce qu'on a à donner, c'est genre Plekanec. Fait que, ou des harnais. Ça intéresse personne. Ouais. Et en terminant, on a Alexis Tremblay qui nous demande notre avis sur les performances du Canadien malgré les blessures. Puis je pense qu'on peut même le twister avec surprenant ou pas que ça, on maintienne le cap. Je commence ou tu commences? Ouais, ben vas-y, ouais. Ben, surprenant! Pas de temps, parce qu'il y a Carey Price. Ouais, le gars avec les grosses pads, il est encore là. Si lui, il se blesse, check bien à le club. Ben, se fie à l'année passée. C'est ouais. pas mal la seule affaire. Voir l'an passé. Non, mais c'est ça. Je pense que le joueur important n'a pas été blessé. Pis c'est ça qu'il fallait. Je suis pas tant surpris nécessairement. Je trouve quand même qu'on a un bon club... On a des joueurs qui sont dans les bonnes chaises, il y en a qui ne sont pas tant, mais écoute, ça fonctionne. On n'a même pas 10 défaites encore en temps réglementaire, ce qui est, moi, personnellement, ça m'impressionne pas, là, mais je suis satisfait là, en ce moment. Là, à 40 quelques matchs de jouer, c'est très, très respectable pour le Canadien de Montréal. Ben, c'est pas c'est ça. C'est le joueur clé n'a pas été blessé. Point. C'est carrément juste ça. Mais Thérien est tellement meilleur cette année. Ouais. Puis tu sais, le Jack Adam en arrière de la tête vite. Ouais, avec Carey Price qui lui remet. En fait, Carey Price lui tend. Là, Thérien arrive pour le prendre. Puis là, Price, il l'enlève. Puis il fait ça 3-4 fois, puis le niaiser. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le gars avec les pads. Pour vrai, il n'y a pas d'autre réponse. Non, je cherche d'autres choses à dire. Je fais comme, mais oui, c'est ça. Les jeunes sont bons aussi. Oui, OK, mais c'est le gars avec les pads. Ouais, c'est ça. Puis ils sont prêts à compenser. Écoute, encore une fois, un solide move de Bergevin. D'ailleurs, là, je veux juste je peux juste mentionner, là, je déteste pas Marc Bergevin. J'aime pas ça qu'il me mente tout le temps. Ça, je passerai à côté. Là, j'aimerais ça qu'il arrête de me mentir. Ça serait le fun. OK. Par contre, il est pas bon pour signer des joueurs. Il signe tout le temps trop cher. Il négocie mal ses contrats. OK? Ça, il fait pas bien ça. Par contre, quand il jase avec ses amis directeurs généraux, il réussit presque tout le temps à les arnaquer. Ça, là-dedans, il est bon. Voir René Bourque. Voir René Bourque. Fait que là... Arrêtez de dire sur Facebook que je déteste le Canadien puis Marc Bergevin. Non, je fais juste soulever quand il est bon puis quand il est pas bon. Puis, tu sais, parler tout le temps de qu'est-ce qu'il fait de bien, c'est comme moins divertissant. Fait que c'est sûr que ce qu'il fait de mal a comme plus de temps de glace. C'est plate, mais c'est de même la vie puis c'est comme ça qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Fait que c'est de votre faute si je parle tout le temps négativement de Bergevin. Si vous étiez tout le temps là à jaser autant quand je en parle positivement, j'en parlerai plus souvent positivement. C'est de votre faute. Moi, je veux ramener quelque chose sur la table, c'est de me faire penser à ça. Je me souviens, nous, l'année passée, je pense que c'était dans un des shows d'après-saison ou je sais pas quoi, on capotait sur le contrat que Marc Bergevin a donné à Tipaul Biron. En ce moment, là, Paul Biron nous donne des claques dans la face en nous disant « Ah ouais, je performe cette année, je performe. » Pour vrai... Tipaul! On est à la mi-saison, je pense que c'est une de mes surprises de l'année. Mais allez réécouter les extraits, puis je vous dis pas la date, fouillez. Ouais, c'est ça. Question que ça soit bien du trouble, puis qu'on génère des écoutes dans le vide. Mais ce que moi, en tout cas, je disais, c'est pas le montant, c'est la durée. Là, cette année, ça va bien, mais dans 2 ans, est-ce que ça va être encore le cas? si Therrien est là, il va jouer dans les deux premiers trios, fait que oui. Ouais, là. OK, là, c'est une réponse cheatée, là. T'as pas le droit. Fait que, voilà. Donc, c'était mon petit... notre mea culpa sur Paul Byron, puis on a fait un spatch charity. Vous voyez, on est transparent. On est capable de se tromper puis de l'avouer. Ouais. Nous sommes des gens, c'est comme cela. C'est ce qui fait le tour pour mes sujets. Toi, t'avais plus rien, hein? Je suis pas mal tout fini. T'es vide? C'est bon. Bon, ben écoute, dis-nous, Jerry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur le web? Sur le web, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Jerry Godbout. M'écrire un petit message que vous me connaissez d'hors-jeu. Ou à la limite, vous parlez tout le temps d'hockey, fait que je le sais, vrai que c'est de là que vous me connaissez. Sinon, sur Twitter aussi, @godbout25, donc parler d'hockey. Je suis pas mal plus ça dans les trade deadline, début de saison, 1er juillet. C'est pas mal là. Sinon, en général, sur un autre podcast qui existe encore, même si on n'est pas tout le temps là, les geeks sont parmi nous, où ce qu'on parle de trucs geeks. Donc, jeux vidéo, films, BD, tout le tralala geek. Et toi aussi, j'imagine que tu as une présence sur Internet. Ouais, un autre podcast qui se nomme Réalité Augmentée. On approche du 200e show de cette émission dans 15 épisodes. Ça s'en vient vraiment vite. Sinon, ben sur Twitter, @gangj_b, un peu comme Jerry, sur Facebook, dites que vous me suivez de hors-jeu et que vous voulez jaser. Puis, ben en fait, si vous jasez de hockey dans des discussions dans lesquelles on discute ensemble, ben ça se peut que je vous ajoute moi-même. Je suis sympathique de même. Je vais gagner. Donc, ajoutez-moi. Pour ce qui est de l'APOC, aussi disponible sur Twitter, @lapocpodcast, sur Facebook, lapocpodcast aussi, et notre magnifique site Internet qui est un template gratuit de WordPress, lapoc.net, la plus belle adresse Internet ever. Donc, voilà, si vous avez des commentaires sur l'émission, si vous avez des étoiles à nous donner sur iTunes, ça serait extrêmement apprécié. Plus il y en a, là, genre 5, plus qu'on aime ça. Il y a plein de beaux commentaires là-dessus. Je suis allé voir il y a à peu près un mois, puis il y en avait, là. C'était plein, là. Il restait de la place pour en avoir d'autres. Donc, voilà pour l'émission de cette semaine de la POC en ce 9 janvier 2017 au moment de l'enregistrement. Je vous dis à la prochaine dans deux semaines. Notre prochain enregistrement aura lieu le 23 janvier prochain. Jerry, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine et d'avoir partagé ton savoir et ta sagesse. Merci à toi. Pas sûr vraiment que je suis sage et que j'ai autant de savoir, mais c'est pas grave. Avec un sortilège, tout passe bien. Ouais, tout passe bien. J'ai juste peur de me lever de ma chaise, mais tout va bien aller. C'est un grand air. Moi, j'ai fini ma Slimane, fait que just on time. Je vous dis à la prochaine fois. Bye bye tout le monde. Ciao, là.